Mon petit garçon, portes-tu la vie qu'un sang? Je reçois ton amour, ton amour te caresse-tu sûr? Mon petit garçon, que de ta réponse? Je cours après le temps, pour toi c'est sans sens, garçon. Pour nous vivons, mon petit garçon, une histoire vraie. Maintenant tu es encore un enfant, je te reprends, mais tu me sens, mais tu feras en restant ferme, mon petit ami, la fille, pas notre histoire. Je t'aime parce que tu es pour moi, tu t'espères, et tu te sois, mon petit garçon, pour toute la vie, garçon. Je reçois ton amour, ton amour te caresse-tu sûr? Mon petit garçon, que ta réponse? Je cours après le temps, pour toi c'est sans sens, garçon. Pour nous vivons, mon petit garçon, juste vrai, plus fort que les mots, n'en parle pas. Maintenant, tu sais encore un enfant, je te reprends. Mais tu es aussi, mais tu ferais. On se te fait, mon petit ami, ne la fuyons pas, notre histoire. Je t'aime parce que tu es pour moi. Tu t'espères, ça, tu te sois. Mon petit garçon, pour toute la vie, garçon. Je reçois ton amour, tes caresses, tu sûr. Mon petit garçon, que ta réponse. Je cours après le temps, pour toi c'est sans sens, garçon. Garçon. J'espère que tu te sois, mon petit garçon.